Chapitre 16e. Lorsque Marie-Bastien et son guide sortirent de la métairie, la lune, ayant dissipé la brume, brillait d'un vif éclat. L'on apercevait, à peu de distance, les grandes masses noires des arbres de la forêt, se découpant sur le sombre azur du ciel étoilé. Le silence était profond. Sur la terre durcie, l'on n'entendait que le bruit sonore et hâte des sabots de Jean-François. Il se retourna bientôt et dit à la jeune femme, en modérant sa marche, « Pardon, madame, je vais peut-être trop vite. »« Trop vite, non, non, mon ami, vous n'irez jamais trop vite. Marchez, marchez, je peux vous suivre. » Et après un moment de silence, elle reprit, en se parlant à elle-même, « C'est mal, pourquoi faire? Pourquoi ce mensonge ?»« Peut-être Jean-François dit-il vrai. Frédéric aura voulu aller à l'affût dans ses bois, et il se sera caché de moi, et pourtant... » Toute la journée d'hier, il a été si sombre, si concentré, que je ne puis croire qu'il songe à la chasse. Depuis si longtemps, il n'avait pas touché un fusil. Au bout de quelques instants de marche, s'adressant de nouveau à son guide, « Quand vous avez vu mon fils, vous n'avez pas remarqué sa figure ?» Et comme le métayer se retournait pour lui répondre, Madame Bastien lui dit, « Parlez-moi en marchant, ne perdons pas une minute. » « Dame, de loin, à la nuitée, je n'ai pu remarquer la figure de Monsieur Frédéric, madame. Sa démarche ne vous a pas paru brusque, agitée? Je ne peux pas trop vous dire, madame. Il a traversé la montée en courant pour rentrer dans le taillis, où il s'est sans doute mis à l'affût. Ça n'a pas duré longtemps. » C'est vrai, je fais des questions folles, se dit la jeune mère. Comment cet homme aurait-il pu remarquer cela? Elle reprit tout haut. « Et ce taillis où est entré mon fils, vous pourrez le reconnaître, Jean-François ?»« Oh, très facilement, madame. Il est à 10 toises en avant du poteau des 4 bras qui marque la grande route du château. »« Mon Dieu, Jean-François, que le chemin est long. Nous n'arrivons donc jamais. »« Encore un demi-quart d'heure, madame. »« Un demi-quart d'heure, mon Dieu ?» murmura la jeune mère. « Hélas, il se passe tant de choses en un demi-quart d'heure. » Marie et son guide continuèrent de s'avancer d'un pas précipité. Plusieurs fois, la jeune femme fut obligée d'appuyer ses deux mains contre sa poitrine pour comprimer la violence des battements de son cœur qui augmentait encore cette course haletante. Déjà, l'on apercevait très distinctement les arbres de la lisière de la forêt. « Madame, dit le métayer en s'arrêtant, nous voici aux tourbières. Prenez garde. Il y a des meulières profondes et dangereuses. Voulez-vous que je vous aide ? Allez, allez, Jean-François, hâtez le pas s'il est possible. Ne vous occupez pas de moi. » Et d'un pas rapide et sûr, Marie traversa de périlleuses fondrières où elle n'eut pas osé s'aventurer en plein jour. Au bout de quelques minutes, elle reprit. « Jean-François, quelle heure peut-il être ? D'après la lune, il ne doit pas être loin de 7 heures, madame. Et une fois entrés dans la forêt, serons-nous loin du taillis ? À 100 pas au plus, madame. Vous entrerez dans ce taillis d'un côté, Jean-François, moi de l'autre, et nous appellerons Frédéric de toutes nos forces. S'il ne nous répond pas... ajouta la jeune femme en frissonnant. S'il ne nous répond pas, nous cherchons plus loin, car nous ne pouvons pas manquer de le trouver, n'est-ce pas, Jean-François? Certainement, madame, mais si vous m'en croyez, pour plus de prudence, nous n'appellerons pas Monsieur Frédéric. Pourquoi cela? Nous pourrions, voyez-vous, madame, donner l'éveil aux gardes de ronde, ils doivent être tous sur pied, car un clair de lune pareil semble fait exprès pour les affutiers. Vous avez raison. « Nous chercherons mon fils sans rien dire, » répondit Marie en tressaillant. Puis, cachant sa figure dans ses mains pendant une seconde, comme si elle voulait échapper à une horrible vision, elle s'écria « Ah, je deviendrai folle !» Elle se remit à marcher sur le pas de son guide, soudain prêtant l'oreille et s'arrêtant brusquement. « Jean-François, avez-vous entendu ?»« Oui, madame, c'est encore loin. Quel est ce bruit ?»« Ça vient par la sortie de la cave. » C'est le galop d'un cheval dans la forêt. C'est peut-être le garde général de monsieur le marquis. Il inspecte sans doute si les gardes font leur tournée. Le métayer, homme robuste, avait marché si vite que lorsqu'il atteignait enfin la lisière de la forêt, il suait à grosses gouttes, tandis que Marie frissonnait. Il lui semblait que tout son sang refluait vers son cœur et s'y glaçait. « Maintenant, madame, nous allons prendre ce sentier sous bois. » qui nous raccourcit de beaucoup, car il nous mène droit au poteau des 4 bras. Seulement, garez votre figure avec vos mains, madame. Faites bien attention, car dans le fourré que nous allons traverser, il y a des houx, terriblement forts et piquants. En effet, à plusieurs reprises, Les mains délicates de Marie, qu'elle étendait en avant, furent déchirées, ensanglantées par les pointes acérées des feuilles du houx. Mais la jeune femme ne sentit rien. « Ces balles, se disait-elle, pourquoi ces balles? Oh, je ne veux pas y songer. Je tomberai là d'épouvante. J'ai besoin de tout mon courage. » À ce moment, le galop du cheval, que l'on avait entendu au loin, se rapprocha de plus en plus, puis il cessa soudain, comme si le cavalier se fût mis au pas pour gravir la rapide montée. Le métayer et Madame Bastien, sortant bientôt de l'épais fourré qu'ils venaient de traverser, se trouvèrent dans un large rond-point, au centre duquel se dressait un poteau, dont chacun des bras correspondait à d'immenses allées qui se prolongeaient à perte de vue à travers la forêt. Leur sol, alternativement coupé par les ombres noires des arbres et par les blanches clartés de la lune, offrait d'étranges contrastes de lumière et d'obscurité. « C'est à 20 pas d'ici, au sommet de la montée, que j'ai vu entrer M. Frédéric dans ce taillis qui borde la route, » dit le métayer, en indiquant à Mme Bastien un fourré de jeunes chênes. « Je vais prendre l'enceinte à revers, et nous ne pouvons manquer de rencontrer M. Frédéric, s'il est encore là. Dans le cas où je le retrouverai avant vous, je lui dirai que vous voulez qu'il abandonne tout de suite son affût, n'est-ce pas, madame ?» ajouta le métayer à voix basse. Marie lui fit un signe de tête affirmatif et entra dans l'enceinte avec une terrible angoisse pendant que Jean-François s'éloignait. L'on entendit alors résonner sur le pavé de la montée le pas d'un cheval. Ce cavalier était Raoul de Pontbriand, qui avait dû prendre cette route en sortant de la cave de la vieille coupe. Frédéric, connaissant les détours de la forêt, avait en piquant droit à travers le bois, devancé de beaucoup le jeune marquis au passage de la montée, passage obligé pour gagner le château. Raoul, prenant en gaieté les singuliers événements de la soirée, sifflait un air de chasse pendant que son cheval gravissait très lentement la côte très ardue en cet endroit. Marie, dans une anxiété croissante, s'avançait toujours à travers le taillis. Elle arriva bientôt à une grande clairière éclairée par la lune. Au milieu de cet espace s'élevait un chêne immense. Une mousse épaisse et des détritus de feuilles qui jonchaient le sol, amortissant le bruit des pas, la jeune femme put s'approcher sans avoir attiré l'attention de son fils, qu'elle aperçut à demi caché par l'énorme tronc du chêne. Ce qui se passa ensuite fut si rapide qu'il serait impossible de donner une idée de la soudaineté de cette péripétie. Il faut donc se résigner à raconter longuement un incident aussi prompt que la pensée. Frédéric, profondément attentif et absorbé, n'avait vu ni entendu s'approcher sa mère, dont la marche s'amortissait sur la mousse. Tête nue, il appuyait un genou en terre et tenait son fusil à demi abaissé, comme s'il n'eût plus attendu que le moment extrême d'épauler et de tirer. Quoiqu'elle eût tâché de fuir cette idée, la malheureuse mère avait, en accourant à la forêt, parfois tressailli d'épouvante, pensant à la possibilité d'un suicide, crainte horrible éveillée dans son esprit par divers incidents des journées précédentes. Que l'on juge de la joie folle de Madame Bastien lorsqu'à la posture de son fils, elle crut les soupçons du métayer justifiés et qu'il s'agissait seulement d'un dangereux braconnage. Aussitôt, dans un aveugle élan de bonheur, de tendresse, la jeune femme se jeta d'un bond sur son fils avec une sorte de frénésie, sans prononcer une parole. Et cela, au moment même où Frédéric, abaissant son fusil, murmurait d'une voix sardonique et féroce « Tiens, monsieur le marquis !» C'est qu'en effet, Frédéric venait de voir, à 10 pas de lui, s'avancer éclairé en plein par la lune et découvert jusqu'à mi-corps, grâce à une éclaircie du taillis, Raoul de Pontbriand, montant toujours la côte au pas de son cheval et continuant de siffler indolemment son air de chasse. Le mouvement de Madame Bastien avait été si soudain, si impétueux, que le fusil de son fils s'échappa de ses mains au moment où il allait faire feu et tomba sur la mousse. « Ma mère !» murmura Frédéric pétrifié. Cette péripétie, rapide comme la foudre, s'était passée presque en silence. La sonorité des pas du cheval de Raoul de Pontbriand et le son de l'air de chasse qu'il sifflait avaient d'ailleurs en partie couvert le bruit causé par Madame Bastien. Cependant, le jeune marquis, s'arrêtant court au-delà de l'éclaircie qu'il avait mis en évidence, discontinua de siffler, se pencha sur sa selle et dit d'une voix ferme « Qui va là ?» Puis il prêta de nouveau l'oreille. « Marie !» qui venait de découvrir le terrible mystère de la présence de son fils dans la forêt, mit sa main sur la bouche de Frédéric en l'enveloppant de ses bras et écouta, suspendant sa respiration. Raoul de Pontbriand, ne recevant point de réponse, s'était dressé sur ses étriers, afin de voir de plus haut et de regarder du côté du gros chêne où il avait entendu un léger bruit. Heureusement, l'ombre épaisse projetée par cet arbre énorme et la hauteur des taillis qui bordaient la route au-delà de l'éclaircie déjà dépassée par le jeune marquis l'empêchèrent de rien apercevoir. Ayant encore écouté pendant quelques secondes, et ne se doutant pas que son ennemi inconnu le devançait à ce passage, Raoul remit son cheval au pas et se dit « C'est quelque fauve qui aura bondi d'effroi à travers le fourré. » Puis la mère et le fils, muets, immobiles, glacés d'épouvante, serrés l'un contre l'autre, entendirent le jeune homme recommencer à siffler son air de chasse. Ce bruit s'affaiblit de plus en plus et bientôt se perdit au loin dans le grand silence de la forêt.